compter sur toi, je dois repartir à zéro. Que diras-tu à mon cœur, lui qui croyait en nous, qui te voyait comme son héroïne? J'étais prêt à donner mon sang, mais c'est mon âme qui s'aime, t'as trop touché mon ego. J'suis devenu accro à toi comme une drogue, je m'en lasse pas, t'es devenu mon héroïne. Oh non, si notre histoire était déjà écrite, t'es où pour déchirer le livre? Oh non, si notre histoire était un rêve, j'aurais jamais fermé l'œil pour ne jamais la vivre. Oh non. Maintenant je saigne, je crie, je pleure tout seul dans le noir. Oh non. Et toi où es-tu? J'ai tout encaissé. Mon âme j'ai dépensé. J'ai tout dépensé. Les coups j'ai encaissé. Sur toi j'ai flashé. Mon âme j'ai pas doucement. Sur mon cœur t'as roulé. C'était même pas un accident. Maintenant c'est moi qui ai mal. J'ai mal. C'est moi qui ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Je voulais que tu restes de la mienne, à moi, à moi. Je voulais que tu restes de la mienne, à moi, à moi. Je sais plus comment faire, babe, à retourner sa veste. Je t'ai tellement aimé, impossible que je te déteste. Oh, oh, oh, je dors là, te porte grande ouverte. Tout en espérant que tu reviennes. Elle tombe mieux, mais pas comme toi. Même si j'ai tort, je demande pardon. Oh non. Corazon a découvert. J'ai tout donné pour acheter tes sentiments. Oh, oh, oh, oh. Si notre histoire était déjà écrite, c'est où pour déchirer le livre? Oh non. Si notre histoire était un rêve, j'aurais jamais fermé l'œil pour ne jamais la vivre. Oh non. Maintenant je saigne, je crie, je pleure tout seul dans le noir.